finale, qu'en penses-tu, dis-le moi. Même si je ne suis qu'un bon cheval ou un gros bourrin, tu as le choix. Un air droit assez brutal, évoluant des trois qui sont la. Bonsoir, très chers auditeurs. Vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 pour un nouvel épisode de l'émission Débattons d'Anguirou, qui ce soir va traiter de football, bien sûr, et de poésie. Et nous allons avoir l'occasion de monter ce soir le Poète Football Club avec nos invités. Alors, pour nous accompagner ce soir en technique, nous avons Abdelkarim Magic Douima, l'homme au crochet magique, le shérif qui est de retour. Sur le plateau, nous avons le docteur Leman, l'inénarrable docteur Leman, et toute une tripotée de poètes avec qui nous allons donc monter ce Poète Football Club. En technique, un peu de musique. C'est con les jeux de balle, quand on est à trois, y'en a toujours un qui touche que dalle, hormis peut-être des bouts de croix. Mais je ne suis qu'un bon cheval ou un gros bourrin, tu as le choix. Un arrière droit, c'est brutal, évoluant des trois qui sont la bière et l'animal. Les tacles et la mauvaise foi, mais pour les coups de pied aux étoiles. Oh, pour ça, je suis le roi quand je m'achève sur les comptoirs. Comme une grosse baleine qui attend sans trop y croire. Qu'un jour tu lui reviennes, qu'un jour tu lui déclares. Tu joues pas si mal quand même, qu'un jour tu lui déclares. Tu joues pas si mal quand même. Alors, Shérif Magic, vous êtes en direct du stade Bollaert pour le magnifique match Lens-Caen qui officie pour le compte de la journée de Division 2. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Allô, vous m'entendez? On vous entend. Est-ce pas très bien, on vous entend mieux. Est-ce que vous entendez ici à Lens? Oui, on vous entend, on vous entend, oui. Magic. On vous, oui, entend, mais bonsoir, pas fort. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Ce soir, nous nous trouvons, moi et mon ami Shérif, au stade Félix Bollaert dès l'Hélice, désormais. Félix Bollaert dès l'Hélice, donc dans la ville de Lens, pour ce match en retard de la 14e journée de Ligue 2 de Championnat de France de football. Donc ce soir, on assiste donc au match à domicile de Lens contre Caen. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. C'est un match à enjeu au niveau de la Ligue 2 toujours, mais un match à enjeu pour l'instant toujours 0-0. La deuxième mi-temps vient de commencer, aucune réalisation pour l'instant, une petite domination d'élan en soi, mais à peine, sachant que quand on joue très bien le coup pour l'instant, une équipe qui est quatrième pour l'instant avec 23 points et qui a la possibilité de rejoindre la tête de ce championnat dès ce soir si les Canets parviennent à marquer deux buts de plus que les Lensois. Effectivement, Caen est à 23 points et quatrième, juste devant Monaco et juste derrière Monaco et Nantes. Alors que les Lensois ce soir sont 9e du championnat. Pour l'instant, voilà ce qu'on pouvait en dire. L'ambiance est lensoise, l'ambiance est bonne, l'ambiance est chaleureuse. Et pour l'instant, c'est une agréable soirée. Il ne fait pas trop froid, il ne pleut pas trop ici à Lens. Shérif, est-ce que vous êtes de retour ce soir? On peut avoir un petit mot peut-être. Bonsoir déjà. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? On vous entend impeccable. Bah écoutez, moi, pareil que Karim, je vais prendre une carbonade et puis une duvel. Ok. Une duvel et une carbonade pour vous, alors. Donc, docteur. Bonsoir, mon cher Brett. Bonsoir, docteur. Donc, pour cette émission, vous troquez une nouvelle fois votre costume de chroniqueur pour celui d'éditorialiste. Oui, éditorialiste ce soir. Donc, je vais essayer de m'inspirer de ce match de football. que nos amis nous font vivre passionnément pour l'instant, hein, pour essayer d'évoquer finalement le lien avec la poésie, tout de même l'objectif de ce soir. Donc je vais commencer mon édito. Eh ben, on vous écoute. Ce pas. On vous écoute. Sang et or. Sans revêtir la pourpre impériale, le voyage de ce soir sera à coup sûr emmailloté de mythologie. Le présent carnaval des 22 s'inscrit dans un passé pesant dont on peine à quitter les ornements. D'où, mieux donc que juchés sur les épaules des géants, nous, nains, observer la bagatelle de ce lundi. Affamés, lâchés nus, les poètes à jeun envahissent la pelouse et déparent les pantins de leur tunique du jour. À la modeste mesure de la description d'un combat, chorégraphie de Maggie Marin, nos homériques invités, dorés de sang mêlé, se draperont, s'attifferont et se dévêtiront dans des odes élégiaques ou jouissives au champ de bataille moderne. Sur quelle ossature, ou quelle assise plutôt, s'agissant des glorieux anciens, aux cendres depuis longtemps dispersées, reposera donc l'hydre aux 11 visages. Lequel d'entre eux s'occupera des filets, les dents serrées telles Hemingway, sevrées de whisky. Devant lui, sentinelle, quatrain de la vigilance, Hugo mûrit ses contemplations, distillant ses châtiments acquis de droit, élevant au plus haut magistère l'art d'être grand-père. Et à qui donne-t-il la main, le vieil homme à la mère fin, si ce n'est à Dante Alighieri, qui, pour sa défense, mit la langue italienne au service d'une divine comédie. Aux côtés des rocs de la reine, Sand joue de son ambiguïté pour, adroitement et le moment venu seulement, s'opposer aux pénétrations hostiles. En mal d'aurore, du pain, manque de peau, ce n'est pas tant Musset, mais Monterland qui garde l'arrière-gauche, ou quand l'anonymat confine au nirvana. Devant cette ligne hermétique, cet horizon très romantique, Artaud, de retour de Florence, veille sur sa défense. Si, si. Et comme des sept esthètes, il n'en faut garder qu'un, Joachim Dubalet fait le ménage dans sa pléiade, c'est un technicien de surface hors pair. Grand 8, montagne russe, Pushkin, ni pistole ni brette, foule l'arme au pied, sans relâche, ces steppes qui sont son règne. Né en 11, après la fin du Christ, l'homme provoque ses contemporains, Athan exploite leurs fautes, c'est l'intenable Juvénal, élu panard d'argent, tout en débordement. À croire que devant, tout le monde rit des siens. Valse des visages, ou mirage des virages, Rimbaud, vêtu comme un sous-neuf, surgit après des nuits trop longues dans un halo de feu. Le grand ordinateur, bien sûr, a le souffle court et la tête à l'envers. C'est un 10 impensable qui vient de Buenos Aires. Il disparaît en 86, éclipsé par un fou qui, des pieds et des mains, faisait ce que l'autre façonnait de sa langue. Il s'appelait Borges. Merci docteur. Bel édito. Donc, vous l'avez compris, cette émission a pour but de constituer une équipe de footballeurs poètes. Et pour cela, il nous faut bien sûr des poètes. Alors, pour le moment, sur le plateau, nous avons trois poètes. Nous avons Fernand Fernandez, Vincent Lillo, qui aura la lourde tâche d'être le sélectionneur ce soir, de déterminer les postes. Et nous avons Luc Gendeur, qui nous revient, après la précédente émission, où il était déjà là. Donc, je crois que Magic, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Le match est passionnant pour l'instant. La possession de balle est lensoise. Et pardon, je vous écoutais, mais j'avais aussi un œil sur le match. Je vous écoute, mon cher Brett. Oui, Magic, justement pour cette composition du Poète Football Club, vous avez quelque chose à nous livrer ce soir qui va être assez déterminant. Oui, tout à fait. En tant que meilleur footballeur de l'équipe technique des bâtons d'Anguiro, on m'a demandé effectivement de qualifier, de nommer les 11 différents postes d'un match de football, les 11 de footballeurs. Alors, le numéro 1, évidemment, c'est le goal. Un homme qui pourrait faire de la plongée sous-marine, qui, pour survivre dans son match, doit rester concentré de la première à la dernière seconde, vigilant à tous les dangers, y compris à ses propres erreurs qui peuvent lui être fatales. Voilà comment on pourrait qualifier le numéro 1 des postes de footballeur. Le numéro 2, eh bien, c'est le défenseur latéral droit. J'ai bien dit le droit. Il est préférable que cet homme-là soit simplé, en tout cas qu'il ne fasse pas la révolution, car il est fondamentalement déséquilibré. Il s'appuie constamment sur son pied gauche pour ne jouer que du droit. Il doit avoir des dons d'ubiguïté partielle, puisqu'il lui faut être devant et derrière, mais jamais trop à gauche et encore moins trop à droite, car il risquerait de s'annihiler. Voilà pour le numéro 2, défenseur latéral droit. Le numéro 3, le défenseur latéral gauche, évidemment, un excentrique, lui. C'est quelqu'un qui joue du pied gauche, hein, mais quelqu'un qui est toujours sur sa réserve, quelqu'un de dangereux car on ne l'attend pas, quelqu'un de sensible qui voudrait être comme les autres et qui aurait une tendance naturelle à aller vers les autres, quelqu'un à qui il faut donc rappeler qui est l'ennemi, alors que ça s'échauffe ce soir sur le terrain de Félix Bollaert. Je continue... La définition des postes, nous arrivons au numéro 4, le défenseur central droit. Autrefois désigné comme le libéro, il est à la fois le bon, la brute et le truand. Un match peut se gagner grâce à lui, un match peut finir en bagarre générale avec lui, un match peut amener un ministre à interdire carrément le sport à cause de lui. Le numéro 5, le défenseur central gauche, autrefois désigné comme le stopper, il est en quelque sorte le bon samaritain, né pour être de toutes les corvées en matière de défense. Il est là aussi pour encourager ses partenaires avec joie et entrain pour aller jouer un peu plus loin. Il est diplomate avec l'étranger, polyglotte. Il n'a de cesse de rappeler dans toutes les langues qu'il peut à tout moment casser une jambe. Le numéro 6, le milieu défensif gauche, l'homme qui s'est trompé de sport, l'homme qui pourrait être champion d'endurance mais qui préfère un sport collectif, plus sympa, quitte à perdre, qui ne compte jamais, toujours dans l'endurance, la générosité, le sacrifice, le seul qui pourrait publiquement afficher son homosexualité dans le vestiaire. Voilà pour le numéro 6. Le numéro 7, le milieu défenseur droit, le type qui est toujours derrière à l'école, sur son banc, qui n'écoute jamais, mais qui a toujours de bonnes notes. À la fois indépendant et influençable, trop souvent dans la lune, il a souvent un pied magique et un portable aussi dans la poche de son short. Voilà pour le numéro 7. Le numéro 8, le milieu offensif gauche ou droit, ça dépend des profils de joueurs. Eh bien, c'est un type trop sympa, vraiment trop. Affable, poli, jamais un mot plus haut que l'autre. Qui va voir tout le monde sur le terrain pour l'inviter à sa crémaillère, qui acquiesce toujours après les consignes de l'entraîneur, celui qui finit même par énerver l'arbitre. Le numéro 9, l'avant-centre, l'animal solitaire, parfois renard, girafe, gorille, puce, l'obsédé du but, le seul qui puisse jouer au foot sans savoir se servir de ses pieds, celui qui ne renonce jamais, mais que la dépression guette, l'homme souvent le plus controversé sur le terrain. Le fameux numéro 10, le meneur de jeu. Le meilleur de l'équipe, trop fort pour toi, trop facile pour lui. Le no-command du foot, celui qui n'a pas besoin de gris-gris, qui peut passer à travers un match, mais jamais deux matchs. L'homme providentiel, le jeune premier que l'on rêverait tous d'être. Et enfin, le numéro 11, le second attaquant. En général, grand et fin, il est plutôt élégant, doué. Un tantinet dandy selon le type d'adversaire qu'il affronte. Il est le seul qui n'occupe pas une position en symétrie par rapport au terrain. Il est capable d'exprimer toutes les émotions humaines sur un terrain de football. Voilà pour les 11 joueurs que vous m'avez demandé de qualifier. Je vous en ai donné ma version personnelle. À vous En plus que personnel, c'est cette version-là qui va nous servir de base pour constituer notre équipe quand même. Donc, tout à fait. Lourde responsabilité. Tout à fait. Ici, peut-être qu'en studio, on a des réactions. Et en tout cas, j'aimerais juste interroger Vincent Lillo parce que c'est quand même vous qui allez avoir cette lourde tâche de sélectionner, de placer les joueurs à leur poste, les poètes à leur poste. Prêt ? Ça vous fait un peu peur ? Quel schéma tactique, vous voulez dire ? Quel schéma tactique ou est-ce que, je sais pas, la définition des postes vous plaît ou... Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Bon, pour moi, c'est beaucoup plus physique, hein. Le jeu, c'est pas de la poésie, c'est d'abord un sport de contact. Donc là, c'est très joli, mais c'est un peu toujours la réalité du match d'homme à homme qui fait le résultat du match. Donc moi je pense que je vais opter pour un schéma, bon peut-être un 3-5-2, on va voir, Karim a évoqué un 4-4-2, bon c'est un choix intéressant mais bon c'est peut-être un peu dépassé aujourd'hui. Un 3-5-2 peut parfois faire des merveilles, hein. On connaît quelques équipes qui jouent en 3-5-2. On va peut-être lancer la première lecture, Fernand Fernandez, c'est vous qui officiez. Je vais vous présenter rapidement quand même pour nos auditeurs. Vous vivez à Marseille, d'abord. Vous êtes poète et plasticien. Vous avez collaboré avec plusieurs musiciens rock et électro, notamment. Vous avez fait plusieurs concerts, expositions et lectures performances publiques à Marseille et ailleurs. Et vous diffusez des textes, des enregistrements et des dessins sur le site de l'Armée Noire. On vous écoute ? Oh. on ne peut pas dire des noms de footballeurs qu'à l'instar des noms de chiens, d'oiseaux, de chevaux, des noms de la classification linéenne des espèces, ils forment un sous-ensemble de la nomination qui obéirait à des règles différentes de celles qui régissent la formation des patronymes, parce que les noms de footballeurs sont exactement formés de la même manière et échappent généralement jusqu'à la pratique particulière du pseudonyme. À l'écrit, il est d'ailleurs souvent impossible de distinguer un nom de footballeur de celui de quelqu'un portant un nom identique. Pourtant, il est tout à fait possible de produire des noms de footballeurs, des noms fictifs, identifiables comme des noms de footballeurs, bien distincts des autres noms, des noms créés en l'absence de tout souvenir clairement conscient de noms de footballeurs réels, par le seul désir de créer des noms de footballeurs. Quelque chose fait que parmi tel ou tel assemblage de syllabes, je peux dire « Tiens, ça c'est un nom de footballeur » ou bien « Non, un footballeur ne s'appellerait jamais comme ça. Non, décidément, Sorbel, ça ne peut pas être un nom de footballeur, quand bien même ça viendrait plus tard le démentir. Sorbel, Sorbel, pourquoi pas Sorbel, Sorbel dans la surface de réparation ?» Et cela n'aurait pas plus de sens que lorsque nous nous disons « C'est une Simone, elle a bien une tête de Simone » ou de « Josiane, Josiane, Josiane, Josiane ». Bien que cela même s'impose à nous avec une impérieuse évidence durant le temps où cela s'impose. Des scientifiques de l'université d'Aix-Marseille ont récemment mené une expérience avec des babouins. On leur a soumis successivement des noms de footballeurs et des noms tirés de l'annuaire téléphonique. Il semble à première vue que le monde du football est assez éloigné de celui des babouins. Pourtant, après un temps d'entraînement, les babouins se sont révélés capables de distinguer les noms de footballeurs des noms ordinaires. Et cela même après qu'un nouveau corpus de noms leur a été soumis sans entraînement préalable. Le sens évolutif d'une telle faculté chez le babouin nous échappe, bien sûr. À moins que le fait même que les babouins se soient gentiment prêtés à l'expérience ne nous montre que la parole est loin d'être ce qui leur manque, quand nous, nous devons nous coltiner le langage. Tout se passe donc comme si la capacité à reconnaître des noms de footballeurs pouvait se passer du langage et a fortiori de toute connaissance de l'univers référentiel du football. Quelque chose dans la lignée humaine et dans les lignées parentes, voire même en dehors, porterait à penser que Patrick Gueman, ce n'est pas la même chose que Patrick Gueman, j'entends. Patrick se distinguant des autres Gueman en raison de son prénom et se distinguant jusqu'à un certain point des autres humains du fait qu'il s'appelle Gueman et en sus de Gueman, Patrick, quelque chose qui viendrait se surajouter ou qui serait déjà là, ne relevant ni des règles de la nomination patronymique, ni d'un marquage corporatif qui s'inscrirait dans le nom même, quelque chose que l'on aurait du mal à désigner autrement que par Patrick Gueman ou bien Patrick Gueman. À l'évidence, la signification du nom patronymique en lui-même est secondaire par rapport à sa fonction sociale, ici le système du sport. On ne peut traiter le nom comme n'importe quelle chaîne signifiante. On ne peut traiter de « Patrick Gueman » comme de « La chatte est mi-cantale » dont on sait par avance que ça raconte quelque chose et que même si on en ignore la signification établie, il est toujours possible de se raconter un sens comme « la chatte aime le Cantal ». Bien que, à y regarder de plus près avec « Patrick Gueman », on pourrait aussi, rien ne nous empêche de faire « Patrick, un gueman » ou « Pa-man ». Patrick Gueman, c'est pas comme Patrick Gueman sur le terrain, ça a sa vie propre. Patrick Gueman! En réalité, les commentateurs ne commentent pas ce qui se passe sur le terrain, ils commentent Patrick Gueman! Et pourtant, c'est quand même un peu relié à Patrick Gueman sur le terrain. Ça bouge avec sa vie propre, mais un peu comme Patrick Gueman sur le terrain, avec des mouvements de Patrick Gueman. Mais dans Patrick Gueman, dans le commentateur, parce que Patrick Hugeman, c'est pas Patrick Hugeman. C'est même pas Patrick Hugeman, Patrick Hugeman. Patrick Hugeman, c'est papa, c'est pas papa. Patrick Hugeman, ni maman, Patrick, parce que dans Patrick Hugeman, il y a quelque chose qui fait objection. Un objet rond, opaque, qui n'offre aucune prise et qui crée tout autour beaucoup de mouvements autour et dans Patrick. Quelque chose qui n'est pas comptable d'un score, quelque chose comme un arrêt de jeu en raison des conditions météorologiques, comme une panne générale, une perte brutale de la capacité à commenter ce qui se passe sur le terrain, un match de foot observé à travers l'appareil perceptif d'un animal, d'une espèce extraterrestre. Du point de vue de la langue elle-même, si elle avait des yeux, des oreilles et un truc qui fait pouette, comme Patrick Hugeman, street cracker, je le suis car je m'appelle Patrick. Merci Fernand. Avant de revenir sur votre lecture, il s'est quand même passé des choses sur le plateau. On peut dire bonsoir à Manuel qui est de retour. Bonsoir cher Brett, bonsoir à tout le monde. Vous avez eu un petit contretemps, mais vous êtes... On a réglé des problèmes et on est revenu en pleine forme. Et on accueille Laure Chaminas qui rejoint aussi le plateau, qui vous accompagnait je crois. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'était moi la chauffeuse. J'ai plusieurs rôles. C'est un passé parfait. Vincent, Dondé, Lilo, vous-même poète, votre taf commence maintenant. Oui, c'est ça. Bon, moi, je verrais bien Fernand Fernandez. Bon, déjà, s'il ne s'appelait pas Fernand, on l'appellerait Louis. Je pense qu'il a vraiment la grinta qui va bien pour ça. Bon, moi, je le vois tout à fait en milieu défensif droit. Un mec un peu aboyeur au milieu de terrain, en même temps dur sur le mot. Et puis, qui est capable de faire le lien. Donc voilà, milieu défensif droit pour Fernand Fernandez. Ah, les premiers postes attribués au Poète Football Club. Le numéro, ce serait ? Ce serait le 6. Un bon numéro 6. Ouais, effectivement, si je peux mettre de l'eau au moulin de notre cher Dondé, c'est vrai qu'entre Fernand Fernandez et Patrick Hugeman, on a du mal à dissocier quand même le personnage de l'auteur. On sent quand même l'abnégation, voire l'obsession. Et pour moi, cette obsession-là, c'est Didier Deschamps, c'est un 6. Rien à redire. Au poste, Manuel. Moi j'acquiesce, on fait un petit détour par le stade, du coup, voir nos envoyés spéciaux pour voir ce qui se passe quand même dans ce remarquable, j'imagine, Lens-Caen. Oui, tout à fait remarquable. Le match a pris de l'intensité. Il y a eu un carton rouge tout à l'heure pour les Lensois, alors que là, ah là là, un coup franc qui a cafouillé dans la surface de réparation cannaise et qui allait peut-être être repris pour aller dans les cages de Damien Perkis, le gardien cannais, mais l'arbitre a sifflé un coup franc et donc les cannais vont pouvoir se dégager. Nous jouons la 70e minute de jeu, toujours 0-0, mais désormais les cannais jouent à 10 contre 11 et sont en très mauvaise position. Voilà. Merci Magic. Shérif ? Moi, je vais faire comme Magic, je vais reprendre une carbonade et je vais reprendre une duvel aussi. Merci les gars. Docteur, vous souhaitiez peut-être donner la parole à Fernand, voir si Fernand lui trouvait son poste correct, s'il se voyait bien dans cette équipe-là, à ce poste-là. Donc voilà, beaucoup de catégories ce soir. Grand merci à nos amis classificateurs ici présents qui ont une lourde tâche puisque doivent classifier ce qui n'est pas vraiment classifiable. C'est le but. Voilà. Bon. En tout cas, c'est une excellente réponse, je crois. Brett, on va enchaîner avec les deux prochaines lectures, les deux prochains joueurs de notre équipe. Tout à fait. Et on va vous laisser les présenter, je crois. D'accord, donc c'est une lecture cumulée. Il y a deux lectures de suite. Donc il y aura tout d'abord Jean-François Bory. Jean-François Bory est un poète né en 2 mai 1938 à Paris. Il a écrit une... bonne tripotée de textes. À 34 ans, il décide de ne plus jamais être salarié. Il se consacre à l'écriture. Rebut, calligramme, pictogramme dessine à sa poésie virtuelle une sorte de degré zéro de l'écriture. Il s'inscrit dans une tradition plutôt dadaïste. Il est passé par le mouvement Fluxus. Son travail fonctionne essentiellement sur un mode ironique, iconoclaste, voire désespéré quant à la possibilité même de toute littérature. Son œuvre est foisonnante. Il vit et travaille aujourd'hui à Paris. Et le texte qu'il nous lit ce soir est « L'éternité, c'est la balle, aller au but ». Ensuite, nous aurons Samuel Rochery. Samuel qui est venu quand même plusieurs fois ici. C'est un de nos fameux invités. Ouais. C'est un prestigieux invité qui revient souvent, qui est poète, essayiste, traducteur, qui est aussi ceinture noire de karaté. Donde, faites gaffe à vous. Il a plusieurs livres, dont Oxbopé, qui est édité chez Eric Pesty, deux titres aux éditions du Cartanier, et un troisième qui s'appelle Mattel, ou dans la vie des jouets de la compagnie de John Madden, il y avait des hommes et des femmes qui sort bientôt. Qui est en train de sortir, a priori. Voilà, et donc sa lecture s'intitulera Street Fighter. Voilà, et il est accompagné pour cette lecture de DJ Francky Framboise. Voilà. Oui. On écoute. Albert Adejo passe la balle à Patrice Delbourg qui dribble et passe à Suarez. Ils sont merveilleux. Oh, Suarez passe à Lyotard. La défense du Real Saint-Germain reste clouée sur place, chers téléspectateurs. Et oh, Lyotard passe à James Joyce qui passe à Pound qui lui repasse. La balle, décidément, les joueurs du Real Saint-Germain ne peuvent rien faire contre une telle attaque. On entend ici Joyce qui fonce tout droit vers les buts. Joyce qui crie « Oui, je veux bien, oui, je veux bien, oui !» Gide, le terrible gardien Gide, se dandine comme un ours bardé de ses genouillères, de ses accoudières, de ses ventripotières. Il est énorme entre les deux barres blanches. Joyce fonce toujours. Il est tout près, oui. Il en a, il est entre les deux poteaux, la foule hurle debout. Vous les entendez d'ici, oui, il shoot, oui, but, il a marqué, but, oui. Il est retrouvé, quoi? L'éternité, c'est la balle allée au but. En quoi le free fight diffère du combat de rue? En ce qu'un adversaire diffère d'un ennemi. En ce que le sport n'est pas l'émeute. En gros, l'adversaire, c'est l'ennemi, sans le vice de l'ennemi. Le sport, l'émeute sans sa circonstance lamentable. Il est la recherche d'une éthique, de l'émeute. Le sport de combat développe simplement ce dont tout combattant conscient de la lutte nécessaire est ou pourrait être capable. Ce que le mot combat comporte de vérité. Il ne fait que modifier le sentiment de la lutte nécessaire au point où l'urgence de se battre ne soit pas qu'un gros filet de sueur d'animal traqué sur ton front. C'est tout. Que l'urgence de la lutte puisse ainsi s'apparenter à l'urgence de penser sur ce qu'en fait sa foutue carcasse dans la vie de tous les jours, voilà qui pourrait fournir les bases d'une philosophie. Il existe bien une philosophie des arts martiaux, ou art des temps de guerre où l'urgence est permanente. Parce qu'il y a tout de même des vérités plus fortes à apprendre d'une bastonnade que le simple fait d'avoir été agressé, pris à partie au coin d'une rue à cause d'un regard qui ne convient pas. Où le vainqueur, dans l'échange de coups qui va sûrement suivre, n'est jamais que le plus tordu. Le vainqueur sera bien souvent celui qui a pensé « J'attends que tu me tournes le dos pour te poignarder et terminer. » Pourquoi est-ce si petitement radical? Parce qu'aucun des deux, le vainqueur en question comme le vaincu pris en traître, ne savent se battre. Je suppose que l'art martial, la boxe, ne sont pas là pour récupérer, comme on dirait racheter en termes religieux, policiers, des combattants potentiels dont la seule arme est le vice. Je suppose simplement que le manque d'art peut détruire au prochain coup celui qui s'en est sorti une fois par le vice et le hasard. Demain, c'est mon tour. Ce n'est probablement pas le rêve d'un qui se bat souvent. Est-ce que le karaté m'apprend à être invincible? Non. Et on aura plutôt mieux fait, en termes de sagesse martiale, d'apprendre que la bombe atomique a été inventée depuis longtemps. Et bien voilà, on vient d'entendre successivement Jean-François Bory avec son texte « L'éternité, c'est la balle, aller au but » et Samuel Rochery et DJ Francky Framboise donc pour Street Fighter. Donde, à vous la parole. Faut que j'en sélectionne deux ou je garde les trois? Ah non, bah c'est Samuel Rocherie et Jean-François Bory bon, qu'il faut placer sur le terrain. Alors, bon, plusieurs interprétations. Soit on a une parfaite charnière centrale qui vraiment fait des merveilles ensemble entre le mec qui a un peu de la bouteille, un peu lent sur les déplacements, mais qui sait mettre les coudes quand il faut en la personne de Jean-François Bory. Et de l'autre côté, un mec qui voit arriver le jeu, donc qui a le temps de beaucoup cogiter en l'entendant. Et du coup, je pense qu'en fait, tout simplement, il voit le jeu de se dérouler devant lui. Donc, il se pose pas mal de questions sur comment attaquer son adversaire et comment va évoluer le jeu. Donc, une charnière centrale, un or pour moi. Un libéro, un stopper, parfait. Donc, ça veut dire qu'avec Fernand Fernandez, ça forme pour l'instant votre trio défensif central de cette équipe-là. Voilà, mon triangle. Ouais, il en manque un quatrième, mais ouais. Lequel des deux est le stopper, lequel des deux est le libéro? C'est Samuel le libéro et... Voilà, plutôt ouais. dans sous cet angle-là. Ouais. Et Bory, celui qui casserait des jambes. Voilà. C'est bien. Ça me semble bien aussi. Sur le plateau, on souhaite réagir à... Oui, non, pour Bory, moi je connaissais surtout David Bory, hein, que vous connaissez peut-être. Hein, c'est cet ailier Montferrandais qu'on appelait souvent le petit Goret, en référence à Philippe Saint-André. C'est aussi beau, oui, c'est un homme qui n'hésite pas à battre de l'aile. Pour moi, c'est plutôt un 11 en fait. Hein, mais bon, voilà, c'est pas moi le sélectionneur ce soir. Hein. Donc je respecte le choix de Dundee. Mmh. Il y a 60 millions de sélectionneurs ce soir. Ouais. Il y a aussi Basile Bory. Ah. Merci Luc. Brett, peut-être qu'on peut aller refaire un petit tour au stade du coup pour reprendre la température de Bollaert parce que je crois qu'il se passe beaucoup de choses. Avec Magic, il se passe toujours des choses. La tension monte ici sur le match de Lens-Caen. Les esprits sont chauds, il y a des gestes qui se font qui ne sont pas tout à fait ceux de footballeur, plutôt de karaté ou de combat en tout cas, parce que les deux équipes veulent apparemment toutes les deux la victoire, même les Canets qui sont réduits à 10 essayent d'aller au plus vite sur le but en contre-attaque, mais à 11 contre 10, eh bien, écoutez, ce sont les Lensois qui ont le ballon, qui le font circuler, qui avancent, qui tentent leur coup, mais ils ne sont toujours pas parvenus à marquer ce but qui soulagerait et leur staff technique et tout le formidable public Lensois, sang et or. Donc nous jouons les 10 dernières minutes de ce match, exactement la 82e minute. Et là, un ballon qui est récupéré dans le centre, côté Canet, qui décale sur le côté gauche. Le joueur va essayer de dribbler, mais voilà, il est repris, il est tout seul. Évidemment, ils sont à 11 contre 10. Voilà, toujours 0-0, nous jouons la 83e minute de jeu. Et l'issue de ce match reste très incertaine. Shérif, oui. Je crois que vous avez été bien accueilli à Bollaert, parce que vous avez un peu la même coiffure que Tony Vérel. Du coup, ça leur rappelle des bons souvenirs. Écoutez, Manuel, ça me fait plaisir que vous soyez parmi les invités. Bienvenue. En tout cas, je viens vous dire que la tension monte ici. Effectivement, il y a de moins en moins de carbonade et de moins en moins de duvel. Je vais en reprendre une de chaque, je pense. Merci, Shérif. Alors, on va continuer notre composition d'équipe. Et c'est vous, docteur, qui allez nous présenter le prochain lecteur. Oui, donc il s'agit de Luc Jander, donc quelque part un Lucho nous quitte, hein, un autre arrive, ou presque. Et oui, ce talentueux Luc Jander nous a rejoint et fait presque figure de membre permanent de ce Conseil des Sages. Donc, Luc, c'est un enfant de la balle, il a du répondant, ça c'est sûr. Et si on l'appelle parfois le mur sur le terrain, il sait encaisser sans broncher. Artiste, penseur, acteur du quotidien, Lucho, c'est aussi un des derniers poètes écrivant en espéranto. Il pourrait bientôt prendre la direction des Beaux-Arts de Marseille, avant pourquoi pas celle toujours vacante de Sciences Po. À toi, Lucho. Ben, merci beaucoup. Déjà bonjour tout le monde. Alors, je voudrais dédicacer ma première strophe à la mémoire de Thierry Roland, grand poète devant l'éternel. Avançons, héritiers de la nation, le moment d'éternité est enfin né. Il y en a marre des oppressions, les drapeaux maculés sont brandis, les armes ensanglantées sont déterrées. Reconnaissez-vous dans les régions gueuler ces impitoyables ennemis? Ils dévastent tout jusque dans vos foyers pour massacrer votre descendance, vos femmes. Ou les cœurs, frères d'armes, rassemblez-vous en équipe, allons, chargeons, que la force vitale des barbares soit pulvérisée sur nos terres. Je crie donc je suis, mais si personne ne m'entend, est-ce que j'existe? Et si je ne m'entends plus crier, est-ce que je suis? Parce que donc l'un des arts du stade est le cri, un cri des gens qui montent au ciel après chien et loup. L'esprit et la parole refondue, l'interaction des sens et des pensées abstraites, et le corps qui ne cesse de grandir, d'étendre ses bras jusqu'à n'être qu'une foule, jusqu'à n'être qu'un chant, quelque chose entre la paillardise et la prière, entre les rires et les pleurs. Une voix prophétique pleine d'excitation, brave et pure, honnête jusque dans sa peur de mourir, qui beugle des phrases bouleversantes de haine, de passion, d'obscénité. L'amour du football, tout comme celui des arts, s'est allé à la disproportion et l'abîme. Depuis notre tendre enfance, on apprend par cœur à construire des choses pour le plaisir de les détruire, comme les poètes écrivent des poèmes pour le plaisir de cracher du feu. La langue est tellement énervée qu'elle fait des étincelles, alors les mots mêmes s'enflamment. Et à la fin de la partie, si tout va bien dans le meilleur des mondes, car dans le meilleur des mondes, les grandes équipes meurent toujours, c'est une donnée capitale de la vie, les cendres de cet incendie malade retournent à la poussière. On dit dans les annales que c'est le stade oral du football. Le choc des cultures est lorsqu'un corps en érection qui décharge son cri primal ne peut plus signer son rugissement. Alors, l'homme qui acclame ne peut plus se reconnaître dans ce vagissement, dans cette alliance contre nature incarnée par le fanatique. Quand les rêves de baume, les émotions simples, l'amour sincère, l'excitation du jeu, l'expérience intime du sport collectif, le chaos des passions, le pathos de la joie, l'onanisme social, etc., etc., etc., quand tout ça est mangé par toutes sortes de monstres de l'ombre, ceux qui trompent les croyants sur les idoles à invoquer, que reste-t-il encore à supporter pour l'amateur parasité? À cet instant, le meuglement du mille-pattes qui choisit d'être inconscient des règles du jeu est dirigé par des lois de guerre civile. L'homme crie, hurle, gueule, psalmodie, vocifère, aboie, glapit, belle, grogne, hurricane, vagis, zinzi, nul, brame, jabote, croise, jazz, hennie, siffle, trompette. Mais c'est comme s'il se taisait. Bah oui, on peut crier et se taire en même temps. On dit alors que l'homme passe sous silence quand il crie. Parce qu'on appartient à un club, qu'on appartient à un stade, qu'on appartient à un cop, qu'on appartient à une passion, on est footolique, mais que se passe-t-il quand à l'entrée dans le virage on dérape? Que devient alors la liberté d'expression d'une démocratie de camp ignorant? L'avenir de la ville est un désert plein de mirages, de solitude sans fin, et surtout de soif d'ego, de soif de tout et de soif tout court, parce que notre société est faite de gens démolis que seule l'offense et la pornographie tirent de leur sommeil. On a parfois du mal à se convaincre qu'ils sont autre chose que des images et du crachat de réseaux sociaux, voire de petits rêves répugnants de philanthropes déviants. Notre petit monde dans le monde n'est alors plus une surface de réparation, mais une position de sabordage. C'est une ère de braises létales en surchauffe, potager infernal d'idéologies tyranniques ou démoniaques, où les patates sont chaudes et où les apôtres de la régression dévorent les cerveaux des visages peints et les princes merdeux collent sur le trou de vie d'un chapeau ridicule. Dans le cœur du stade, je ne suis pas écrivain misanthrope, artiste polymorphe, critique d'art idiot, sociologue zombie, anthropologue sadique, économiste en bois, psychiatre prophète, politicien pantophobe, dealer freudien, singe démocrate, bon sauvage top modèle, je ne suis que football, et ce football est mon football. Eh bien, merci Luc. On donne tout de suite la parole à Dondé, qui a évidemment un avis. Il commence à ressentir le léger trouble. Et le problème du sélectionneur, voilà. Comment ça se pose Je commence à être d'accord avec Fernand. Vous aurez peut-être le droit à un moment d'intervertir les rôles, si vous devez changer en cours de route. C'est vrai, parce que du coup, je filerais bien mon rôle de sélectionneur à Luc. Par contre, le rôle de sélectionneur, tu vas faire preuve d'un esprit de synthèse absolument formidable. Alors, Dondé. Je pense qu'il n'est pas gaucher, donc je le ferai jouer à gauche. Et comme il va super vite et qu'il faut faire plein d'allers-retours, je le mettrai arrière-gauche. Donc, vous composez votre défense en premier. Ouais, c'est ça. T'es un déchant, quoi. Un déchant sélectionneur. La meilleure attaque, c'est la défense. Avant de vous donner la parole, docteur, parce que je vois que vous êtes sceptique quant à cette proposition de notre sélectionneur. Moi, j'aurais vu Luc Jandeur un peu comme un... D'abord, un auteur plein de sensualité. Et donc... J'espérais vous amener sur ce terrain-là. Et donc, 8. Un bon numéro 8, c'est-à-dire un type qui est en même temps capable de transmettre, de transmettre énormément de choses et on de sensations, mais d'avoir le coup d'œil pour la rigueur aussi un petit peu quand il faut. Un buteur. Alors, bon, Stadora, l'excitation, onanisme, soif, régression. Moi, je pense qu'il y a du Ribéry là-dessous. Si Paris laisse tranquille, c'est un 7. Bon, ben, en tout cas, il sera pour l'instant un bon numéro 3. En même temps, 7 et arrière-gauche, ça peut aussi ça bosse ensemble. Oui, avec les schémas tactiques de notre ami Dondé, je pense que... Voilà, on a des latéraux très offensifs, voilà, j'imagine. Hein, oui, si jamais Dondé mène, je sais pas, 4-0 à la mi-temps, peut-être que Lucho pourra passer la moitié de terrain. Dondé est parti sur un 3-5-2, quand même, qui va laisser la place à... Un 3-5-2, mais vite truffé par deux défenseurs centraux. Donc, je vais revoir le 3-5-2, ouais. Peut-être passer sur le 4-4-2, en fait, de départ. Ah, ça serait trop classique. On peut peut-être, du coup, vivre les derniers instants du match avec vous, Magic. Je crois que ça se termine, non ? Oui, nous commençons à peine les arrêts de jeu. Nous jouons la 47e seconde des 4 minutes d'arrêt de jeu que l'arbitre a décidé. Eh bien, figurez-vous que le score est toujours vierge et n'a pas changé. 0-0. Les Lensois essayent toujours. Les Lensois encore à la relance là. Côté droit, le défenseur central droit. Voilà, qui lance en profondeur l'attaquant à droite. Qui passe. Un redoublement de passes. Et encore, vont-ils arriver à centrer ? Un centre qui est contré, et voilà un corner donc à la 91e minute de jeu. Le suspense est à son plein là en ce moment, mais toujours 0-0. Oui, Shérif, à vous la parole. Je suis à mon plein. Allez, Shérif, vous êtes fou. Allez, on en prend une petite carbo, une petite duvel. Allez, c'est bon pour nous. Merci, Shérif. Vous intervenez, évidemment, quand vous voulez, si jamais il se passait quelque chose pendant les arrêts de jeu. Ah oui, tout à fait. J'ai l'œil concentré sur le terrain. Ne vous inquiétez pas. On vous écoute et c'est formidable. Parfait. Alors, en attendant la fin de ce match, on va, je pense, écouter notre cinquième participant. Et c'est vous, docteur, encore une fois, qui allez l'introduire. Allez, docteur. Oui, go. Alors, Laure Chamina, c'est une vieille histoire. Hein. Laure Chamina, c'est l'inspiratrice du célèbre groupe Marseillais GDF, par exemple. Hein. Alors, c'est une sorte d'Amy Winehouse à la sauce phocéenne, hein, qui n'a pas sa langue dans la poche, ça c'est sûr, que ce soit sur ou en dehors des planches. Elle a trop tôt pris sa retraite à la Lance Armstrong. On espère qu'elle va nous faire un super retour bientôt. Une bad lieutenant avec du Menucci peut-être. Hein, on verra bientôt ce que ça peut donner. Hein, on va écouter donc ce qu'elle nous dit en espérant que de Menucci. Il y a peut-être, on se demande si cet enfant caché finalement de Lyndon LaRouche ne serait peut-être pas la révélation de la future élection présidentielle. Laure Chaminas, à toi. Peut-être que tu as un titre, mais je te laisse faire. Oui, le titre, ça s'appelle Joueur de foot. C'est de circonstance. C'est pourquoi je suis invitée d'ailleurs. Sur les paroles de Jean de Pascal. C'est une interprétation. Et je souhaite des fois quelques réactions, si vous êtes à l'écoute. Quand je rentre dans le stade, je suis en place. Je suis bourré d'adrénaline jusqu'au fin fond de mes narines. Mon seul but, marquer des buts. Alors les sifflets, les colibés, moi je m'en fous. Je suis un joueur de foot. Joueur de foot. Joueur de foot. Je suis un joueur de foot. Alors à vous maintenant les gars. Je cours après la balle pour pas moins de 1 800 000 balles. Je protège mes arrières et mes tibias, tout comme mais Houston. Maradona. Et sur la pelouse, je me retiens de faire pipi tout comme Jean Alési, Michel Platini. Mais c'est pas pour autant, non, que je rate mes pénaltys. Normal. Je suis un joueur de foot. Joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot. Joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot. Je veux du Wendel, du Glenn Odell, des papinades. À la mi-temps, des orangeades sur le terrain, j'ai peur de rien, je fais des coups francs, je fais des touches. Et à tous les coups, dans mes pumas, sur mes crampons, je fais mouche. Normal. Je suis un joueur de foot. Normal. Je suis un joueur de foot. Une aile de pigeon, une bicyclette, un corner direct. Wouh! Quand je joue au foot, wouh! C'est tout le temps la fête. Ouah, vas-y, t'es le plus beau. Ouah, vas-y, t'es le plus costaud. Ça me fait lever la jambe en l'air. Et paf, je marque. Et avec mes camarades, c'est la grande bousculade, c'est la grande roucoulade. On se jette par terre, on se roule des pelles, on s'effleure le derrière. Normal. On est des joueurs de foot. Joueurs de foot. Joueurs de foot. Joueurs de foot. Un joueur de foot. On est des joueurs de foot, joueurs de foot, un joueur de foot, un joueur de foot, un joueur de foot. Attention. J'ai des grosses cuisses, ouais, mais j'ai du fric. Pour mes vacances l'été, c'est Saint-Tropez, je fais du offshore et j'ai pas tort. Et ouais, c'est bon ça. Et dans ma Porsche Cayenne, je collectionne les bombes blondes et les starlettes, les cartons jaunes, les cartons rouges et les feux, les bon, normal, normal, normal. Je suis un joueur de foot. Un joueur de foot. Je suis un putain de pédé, de joueur de foot. Joueur de foot. Je veux du Pelé, de la Bédi, du Franck Ribéry, je veux des joueurs. Des beaux, des bons, des petits malins, pas des bourrins. Je veux de la Ferrari, de la Zaya et de la Miss, je veux des joueuses. Des belles, des bonnes, des malines, un peu bourrines, normales. Je suis un joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot, un joueur de foot. Joueur de foot, un joueur de foot, joueur de foot, un joueur de foot, joueur de foot. Je veux mourir sur le terrain, je veux pas de déclin. Je veux mourir sur le terrain, c'est quand même plus beau en direct. Je veux mourir sur le terrain pour faire chialer toute la planète. I want to die on the grass pour faire chialer même ma mère. Oh, joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot, joueur de foot. Je suis un putain de pédé. De joueur de foot. C'était Laure sur 10. Ah, c'était très beau. Yeah. C'était très beau. Merci Laure. Merci Laure, merci beaucoup. C'était fameux. Dondé et la tâche est de plus en plus rude, je crois. Oui, défense, attaque, Dondé. Superplexe. Non, on a plusieurs figures de l'attaquant, je pense, réunies dans la même chanson. Le petit côté sale gosse flambeur de Nicolas Anelka. Le petit côté, je voulais pas forcément y revenir, mais on pense aussi un peu à Fernando Torres et à tout son passif. Bon, on sent que son objectif, c'est de marquer des buts de toute façon. Elle sait comment elle va les célébrer en se roulant des galoches. Donc voilà, plutôt offensif et un petit attaquant virevoltant, donc genre numéro 9. Numéro 9. Je pense que tout le monde est d'accord hein, ici pour ce poste. Oh bah, elle est devant. Moi, je trouve qu'on a beaucoup évoqué la narine et ça me peine. Mais c'est pas tellement là-dessus que je mise... Mais plutôt sur la main, qui est un peu baladeuse. Hein. D'ailleurs, au goût de Lucho, qui est parti, à ce moment-là, il est un peu effrayé. Hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une envie de célébration de but. Une envie de célébration de but. Et donc, bah, moi, je vois plutôt quand même un 10. Un 10. Vous posez en contre. Hein, vous, ouais. Vous posez en faux. Ça vous fait vibrer. Ouais. Mais il faut. Non, mais c'est bien que Dondé ait un petit peu de... De contradiction, ouais, bien sûr. Hein. Je pense qu'il va apprendre ce soir et c'est bien pour l'ensemble des auditeurs. C'est un jeune sélectionneur. C'est un jeune sélectionneur. Le garçon est prometteur, mais je pense que vraiment. Pas pour vous interrompre, les gars. Je crois qu'on a un auditeur au bout du fil. On a. Allô, oui, allô. Allô. Ah, oui. On vous entend. Bonsoir. Salut, bonsoir. Quel est votre prénom, cher auditeur? Jean-Patrick. Hey, bonsoir, Jean-Patrick. Vous vouliez intervenir, Jean-Patrick. Oui. Alors, je voulais, pour aborder un peu la philosophie du RC Lens, l'incarner dans la personne de Tony Vérel, comme ça a été un peu fait tout à l'heure, mais non pas au travers de sa coiffure, mais de son expérience et de son expérience de prisonnier, qui me semble vrai. Bien cadré avec la philosophie de la radio, en l'occurrence. Alors, je voulais citer un morceau de ce Tony Vérel, qui le résume bien, c'est tiré du dernier numéro de SoFoot. Donc le journaliste de SoFoot lui demande, en prison, il faut savoir se faire respecter. Est-ce que tu as eu à te battre? Vérel répond, quand je courais le matin, il y avait quelques Vérel enculés. Je me retournais, il n'y avait jamais personne aux fenêtres. Donc après, je faisais semblant de ne rien entendre. Mais en prison, il ne faut pas non plus se laisser faire. Si la première fois tu baisses les yeux, après tu te fais racketter. Moi, je me chie pas dessus. Un jour, à la cabine téléphonique, un jeune de 20 ans m'a traité de fils de pute. On ne touche pas à la famille. Il y avait deux matins, je n'ai rien fait. Mais plus tard, je l'ai coincé dans un endroit discret. Je l'ai dérouillé. La direction de la prison nous a convoqués. On m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai dit rien du tout. Vérel libéré, c'est la poésie universelle du football qui se révèle à nous, celle des sang et or, celle des bleus et blancs, celle de nous tous amoureux du football. Voilà. Et merci Jean-Patrick, c'était une précision de circonstance. Merci Jean-Patrick. Oui. Magnifique. Du Corse, non Jean-Patrick. Et un petit accent à la Cantona quand même. Auteur de Polar, né à Perpignan. Ouais. Et résident aux alentours de Béthune. Et qui aime se prendre sa branlée aux échecs régulièrement. Exactement. Et on vous remercie Jean-Patrick pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. Très instructif. Et on vous dit à bientôt. À bientôt ami poète. À bientôt. Alors on va reprendre Brett le fil de cette émission. On connaît maintenant notre attaquant de pointe. On connaît notre défense centrale ainsi que quelques postes défensifs. Est-ce que avec les deux prochains auteurs, on va avoir des milieux de terrain Il faudra bien en avoir un moment ou un autre. Nous enchaînons peut-être, nous écoutons. Allez, alors on va juste dire deux mots des gens qu'on va écouter maintenant. Et c'est là que la technique devrait être assez réactive. Le premier auteur que nous entendrons est Pierre-Louis Aouston, qui est un plasticien performeur dans les mouvements de la parole, Dixit, son site internet. Le dispositif de la lecture foot-foem que l'on va entendre est le suivant. Le match de football France-Brésil, finale de la Coupe du Monde 98, est projeté sur un écran. Devant celui-ci, Pierre-Louis proclame son poème anti-foot-business. En fond sonore, bien sûr, les commentaires de Thierry et Jean-Mimi. C'est un principe récurrent dans le travail de Pierre-Louis Aouston, hein, cette idée de la vidéo et du poème qui ne font qu'un. Mais Pierre-Louis Aouston sera suivi de très près par Amy Chauveau, qui, elle, est marseillaise, artiste, performeuse, poète, plasticienne. Sa pratique mêle voix et cut-up d'enregistrement sur cassette. Et la pièce qu'on va entendre, qui s'appelle « Foutez-moi la paix », c'est un training voix térémine guitare radio, sur laquelle Mélanie Deezer, Guillaume Hamon, Angela Tarantino, Antonin Cesario sont les invités d'Emmy. Cette improvisation sonore est en dédicace à une recherche performative de Laure Maternati intitulée « Football Maman ». On écoute ces deux lectures. Le foot foem. $1 000 000 de dollars. Il vaut bien ce coup de patte. Non, ce coup de patte, c'est cracher sur nos félins. Non. Ce coup de Nike. Football. Derrière un ballon, je savais, soyons honnêtes, quelqu'un je suis. 1 000 000 000 de dollars. Transfert de fonds. Transfert de soumission, mon footballeur. J'adore jouer parce que j'adore les billets vert pub de la pelouse. Football. Derrière un ballon, je savais. Soyons honnêtes, quelqu'un je suis. 1 000 000 000 de dollars, Auxerre, je t'ai aimé en 3e division, seulement, il y a longtemps, je t'ai quitté jeune et plein de sueur au milieu du lit. Football. Derrière un ballon, je savais, soyons honnêtes, quelqu'un je suis. Une histoire humaine, persuadée, sans foot, sans publicité, sans la vidéosphère, sans Mao, sans la mondialisation du commerce. J'ai trouvé là un système foot totalement converti. Du sport baliverne, du sport jeunesse, un bienfait pour un bien-être. Pourquoi du sport? Du sport, encore du sport, du sport, du fric? Ah non! C'est pas oui! Je t'aime. Du sport. C'est comme ça qu'il faut vivre. Thank you. culture, on est un petit peu sous le choc encore. Sous le charme aussi. Sous le charme, bien sûr, mais Dondé, la tâche s'annonce de plus en plus dure. Là, on a des joueurs virevoltants quand même. Oui, et puis au fur et à mesure que le nombre de postes se réduit, bah oui, c'est et que j'oublie un par un où se situent les postes sur le terrain. Il serait temps de parler du hors-jeu. Allez-y, Dondé. Alors sur le hors-jeu, bon, moi je trouve que c'est une règle à la con. Hein. Mais Fernand a peut-être un truc à dire sur le hors-jeu. Parce qu'il n'y avait pas d'hors-jeu, on beaucoup plus de buts. Mais peut-être que Fernand a une idée, ouais. Non, moi j'ai encore moins de choses que toi à dire sur la règle du hors-jeu. Sauf que tout ça me paraît assez hors-jeu. Magnifique, donc c'est une très belle relance. Merci. Donc le premier texte, donc Pierre-Louis Aouston, moi je trouve qu'en fait ça pourrait être un 10 un peu à l'ancienne, avec une sorte de Pirlo qui monte du 6 au poste 10. Quoi. J'espère qu'il vous entend. Douceur, finesse, doigté, pas mal de techniques et puis surtout sur un rythme complètement maîtrisé, donc un mec qui voit le jeu. Numéro 10 pour moi. Émile Chauveau. Alors, Émile Chauveau, une œuvre complexe. Donc moi, je pourrais la simuler au son qu'entend le gardien de but, la ferveur du stade derrière elle. Donc je pourrais la mettre gardien, mais gardien en même temps, c'est un peu le poste joker. Émile Chauveau pourrait être le joker de la soirée. Mais j'avoue que si un petit peu d'aide... Si vous avez un avis sur la prestation technique, certainement un avis. Ouais. Bah, c'est vrai que ça sent un petit peu le tumulte chez notre ami Amy. Alors, est-ce qu'il s'agit de sa crémaillère? Et là, au risque de contredire notre ami Magic, je pense que... On parlait pas de crémaillère à Magic. Oui, mais c'est vrai que ça sentait... on entendait teinter. Hein, et, on a rappelé la date ou pas de... Oui, c'est le 23, je crois, la crémaillère de Magic. Ça se situe dans le panier. Et donc au risque de faire remonter ce qui est en train de se dérouler dans le ventre du shérif, ça m'évoque un petit peu plus Sidney Govou, cet amateur de tintement, et plutôt le côté 11 au final. Hein. Je suis assez d'accord avec vous. Moi aussi, d'autant plus qu'il me semble qu'il faudrait mettre Amy à un poste où le collectif a un véritable sens, parce que là, son œuvre, qu'elle a bien voulu nous donner à entendre pour ce soir est le fruit d'un travail collectif, s'il est besoin de le rappeler. Donc voilà, moi je l'aurais effectivement plus mis dans un poste qui émane du collectif et qui reçoit les fruits du travail de l'équipe. Pas que vous soyez dédié, hein, Lilo. Mais... Non, mais bon. Bon, de toute façon, j'imagine qu'on gardera ma liste à la fin. Dans tous les cas. Et on n'a pas posé la question à Laure, d'ailleurs, si la place de numéro 9 vous convenait. Ah, c'est 9, c'est bien, c'est 9. C'est un nouveau poste pour moi, c'est des nouvelles attributions, c'est courir devant, sur le côté, c'est parfait, quoi. Plus d'argent, peut-être, voilà. Aussi. Ça, moi, ça me plaît. Hein. Super. Je peux mettre le t-shirt à l'envers, je change de numéro, je change de côté, enfin, c'est terrible. Je viens le numéro 6, quoi, tu vois. Parfait. Alors, on enchaîne. Brett, on enchaîne comment ? On enchaîne sur une nouvelle lecture, peut-être ? Tout à fait. On espérait avoir la venue d'Esther Salmona parmi nous ce soir, mais elle était en ce moment même en train de faire une performance lecture au Grand Terrain, qui s'inscrivait dans le cadre à la fois de sa résidence au Grand Terrain et des instants vidéo. Et bon, j'imagine que comme elle n'est pas encore arrivée dans les studios, on va lancer le son qu'elle nous avait donné au préalable. On envoie ça. Peut-être on la présente un petit peu. On la présente avant, hein. Quand même, parce que c'est pas le fait qu'elle soit absente. Tout à fait. Brett, on vous écoute. Donc Esther Salmona, donc, qui est auteure, paysagiste et enseignante. On a lu sur elle que pour décrire sa démarche d'auteur, elle disait « chercher le lieu d'une rencontre entre l'espace de l'écriture, l'espace intérieur et l'espace autour ». Elle a publié en 2012 « Quads » aux éditions précipitées qu'elle va lire pour nous donc ce soir. Enfin, exactement. Ce sera l'enregistrement. Elle a publié un texte dans un journal quotidien de Vincent Bonnet aux éditions Voyons Voir, « L'évidence » dans la revue Fonds Commun numéro 012. et puis dans beaucoup d'autres revues. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a quand même pas mal. Elle a un site qui est https://cetheres.blogspot.com. On écoute et on lui attribue un post après. Tout à fait. Quad. Rémi et JC font du quad sur la D11 entre Quinçon et Riez. Le soleil brille. La route est en ligne droite. Autour, des vignes nues et des lavandins taillés pour l'hiver couvrent le plateau agricole. Devant, JC, sur son Raptor 660R. Derrière, Rémi, sur son Warrior 350 Six Speed. Ils vont vite. Tout à coup, JC braque à gauche. Ses roues avant se bloquent. Ses pneus râpent le bitume. Ses épaules se contractent. Il serre les cuisses sur sa selle. Il sent le Raptor commencer un tonneau. Le Warrior de Rémi arrive derrière lui à toute vitesse. JC braque encore à gauche. Il se soulève de sa selle, reçoit le choc du Warrior, lâche son guidon et décolle. Ses cheveux se dressent sur sa tête. Son cuir chevelu émet de la sueur acide. De l'air froid lui rentre dans les poumons. Son plexus se bloque. Son corps prend de la hauteur. Le trousseau de son deux pièces cuisine à Quinçon, avec un porte-clés en forme de mini-pneu du garage où il travaille depuis 4 mois et demi, est éjecté, brille dans la lumière, virevolte, tombe avec un bruit mat dans la terre du bas-côté, mélangé au goudron qui s'effrite. Une limace grimpe dessus, laisse une traînée humide. Le tube de labello, dont il s'est copieusement enduit les lèvres avant de partir ce matin, jaillit de la poche de poitrine de sa veste polaire de voyage gris acier. Léger, le tube bleu décrit une large courbe et tombe sur le bitume, où il se fendit. Quand Rémi, sur son Warrior 356 Speed, voit JC dévier de sa trajectoire, il appuie à fond sur la pédale de frein. Il braque à droite pour l'éviter. Son corps est emporté, mais il s'accroche à son guidon racing orange, métallisé. Ses mains rosies par le froid, il a oublié ses gants au bar des amis de Quinçon ce midi, serrent les poignets. Les muscles de ses bras et de son cou se contractent fortement, ses phalanges blanchissent. Il se soulève, puis il retombe brutalement de travers sur la selle. Dans la poche revolver de son jean, son paquet de Lucky à moitié plein avec le zippo dedans s'écrase entre la selle et sa fesse droite. Le briquet rentre dans sa fesse droite. Ça lui fait mal. Le Warrior rentre dans le Raptor, fracasse son bas de caisse. Le bumper avant tout neuf, style arty du Warrior, enfonce le carter de chaîne alu motif flamme du Raptor. La chaîne se tord, puis se brise. L'essieu arrière du Raptor plie au milieu. Son pneu arrière gauche vient s'incruster dans le capot avant bleu métal du Warrior. Dans le choc, les phares avant du Warrior se cassent, se décrochent. Ils pendent. Les Ray-Ban pilotes de Rémi quittent son nez. Elles vrillent très très vite. Leurs branches s'ouvrent, exerçant une forte pression sur les minuscules petites vis qui les maintiennent à l'armature métallisée façon oxydée. Un des verres se décroche en tombant, rebondit sur le talus qui borde la D11 dans les graminées et les rosaces de pissenlit. L'autre verre se fendille à partir du centre quand il rencontre un gravillon sur l'asphalte. Alors là, Dondé, il va falloir trouver des ressources pour placer Esther Salmona sur le terrain. On remercie d'abord Esther de bien avoir voulu nous enregistrer cette lecture. On la salue et Dondé, à vous la parole. Alors Esther Salmona, j'avoue que j'ai un peu du mal à la placer sur le terrain. Peut-être je pourrais la mettre en latéral droit. J'ai pas vraiment de raison à avancer pour justifier mon choix. Simplement, c'est une place qui me manque dans ma composition. Oui, c'est un peu... Voilà, c'est une classification comme une autre. C'est vrai. Mais je vous renvoie la balle. Ça aurait pu être une définition de l'arrière-droit aussi, en général, quand même, dans certaines équipes. Est-ce qu'on peut rappeler comment Magic avait défini l'arrière-droit avant, au début de l'émission ? L'arrière-droit, Magic. L'arrière-droit, le défenseur latéral droit, précisément le numéro 2. On disait de celui-ci qu'il était préférable qu'il soit simplé. En tout cas, qu'il ne fasse pas la révolution. Car il est fondamentalement déséquilibré. Il s'appuie constamment sur son pied gauche pour ne jouer que du droit. Il doit avoir des dons d'ubiquité partielle, puisqu'il lui faut être devant et derrière. Mais jamais trop à gauche, et encore moins trop à droite, car il risquerait de s'annihiler. Voilà pour le défenseur latéral droit. Et de sortir du terrain, éventuellement, s'il est beaucoup trop à droite. C'est le pivot. Une sorte de pivot. Bon, on espère qu'Esther sera ravie de... Oui, et puis comme disait le coach, Esther s'est gagnée. Donc moi, je la vois plutôt capitaine, hein, pour aboyer sur ses troupes. Capitaine, Dondé, un bon capitaine, c'est quel poste pour vous ? Plutôt milieu de terrain, je pense. Mais du coup, au milieu de terrain, je la vois pas à l'aile non plus. En fait, c'est-à-dire que dans ma composition d'équipe, là, j'ai un milieu défensif qui est attribué à Fernand. Ça fout tout en l'air, hein. Un magicien. Ça fout tout en l'air. Magicien du ballon numéro 10. Donc après, j'ai les ailes, mais bon, pourquoi pas une aile, ouais. Bah, il faut décider. Non, moi je maintiens latéral droit, ça me va bien. Très bien. Moi, c'est un beau poste quand même. Oui, c'est vrai. C'est pas qu'un mauvais poste. Il y a eu quand même des grands, Serge le disait, des grands quoi. Des Rod Fanny à une époque. On enchaîne, on continue, puisqu'on y prend tellement de plaisir qu'on va enchaîner. Et on va enchaîner avec, c'est pas comme si on n'avait pas eu du lourd jusqu'à présent, mais... Là, on a du lourd, du vrai, et c'est vous, docteur, parce que vous êtes aussi un petit peu l'histoire de cette émission qui allait nous parler du prochain participant. Bon, alors je vais vous parler de ce Pierre-Paul qui n'est pas Jacques, hein, c'est Pier Paolo Pasolini. Donc bon, difficile, et même je crois que ce serait suranné de le présenter. Pier Paolo Pasolini, inclassable, tumultueux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un article où il présente un état des lieux des footballs du début des années 70 dans une verve toute poétique qui rappelle sa passion non dénuée d'arrière-pensée pour le ballon. Il y a dans le football des moments qui sont exclusivement poétiques. Il s'agit des moments du but. Chaque but est toujours une invention, est toujours une subversion du code. Chaque but a un caractère inéluctable, est foudroiement, stupeur, irréversibilité, telle la parole poétique. Le meilleur buteur d'un championnat est toujours le meilleur poète de l'année. En ce moment, c'est Savoldi. Le football qui exprime le plus de buts est le football le plus poétique. Le dribble aussi est en soi poétique, même s'il ne l'est pas toujours autant que l'action du but. En effet, le rêve de tout footballeur, partagé par chaque spectateur, c'est de partir du milieu du terrain, de dribbler tous ses adversaires et de marquer le but. Si, dans les limites admises, on peut imaginer dans le football une chose sublime, c'est justement cela. Mais elle n'arrive jamais. C'est un rêve que j'ai vu réalisé seulement par Franco Franchi dans Les Magiciens du Ballon, qui, fût-ce à l'état sauvage, a réussi à être parfaitement onirique. Qui sont les meilleurs dribbleurs du monde et les meilleurs buteurs ? Les Brésiliens. Donc leur football est un football de poésie. En effet, il est entièrement fondé sur le dribble et sur le but. Le bétonnage, le 1-2, que Brera appelle géométrie, est un football en prose. En effet, il est fondé sur la syntaxe, c'est-à-dire sur le jeu collectif et organisé, c'est-à-dire sur l'exécution raisonnée du code. Son seul moment de poésie, c'est le contre-pied, avec le but qui suit, qui, comme on l'a vu, ne peut être que poétique. Bref, le moment poétique du football semble être, comme toujours, le moment individualiste, dribble et but, ou passe inspirée. Le football en prose, c'est ce qu'on appelle le système. Le football européen, son schéma est le suivant. Je ne vous commenterai pas le schéma, mis à part qu'on est sur un schéma géométrique à base de catenaccio, de triangolazioni et de conclusioni, mais Magic le ferait mieux que moi. Le but dans ce schéma est confié à la conclusion éventuelle par un poète réaliste comme Riva, mais il doit dériver d'une organisation de jeu collectif fondée sur une suite de passes géométriques exécuté selon les règles du code. Rivera, en cela est parfait. Brera ne l'aime pas beaucoup parce qu'il s'agit d'une perfection un peu esthétisante et non réaliste, comme chez les milieux de terrain anglais ou allemand. Le football en vert est celui du football sud-américain. Son schéma est le suivant. Dicesse concentrice. Conclusioni. Un schéma qui pourrait être réalisé et qui demande une capacité monstrueuse à dribbler. Chose qu'en Europe, on snob au nom de la prose collective. Et le but peut être inventé par n'importe qui et de n'importe quelle position. Si le dribble et le but sont les moments individualistes poétiques du football, voilà donc que le football brésilien est un football de poésie, sans faire aucune distinction de valeur, mais dans un sens purement technique. Au Mexique, la prose esthétisante italienne a été battue par la poésie brésilienne. Alors je vais enchaîner sur Pasolini comme acteur du football, parce que la veille de son assassinat, le lendemain de son assassinat, Pasolini devait jouer pour l'équipe des gens du spectacle. Et donc on va essayer de diffuser un documentaire qui s'appelle Comizi d'Amore, où cet enfant de salaud, quelque part, de Pasolini, va essayer de traiter des mœurs sexuelles d'une société italienne plutôt pudibonde. Donc entre tradition, hésitation et déni, il s'adresse aux joueurs bolognais qui font souvent grise mine. Il arrive à leur arracher parfois les verres du nez. On est donc encore bien loin du bunga bunga. Senta Pavinato, a lei il pensiero della vita sessuale è un pensiero che mette addosso piacere o un senso di inquietudine? Piacere. Senza il minimo dubbio? Senza il minimo dubbio. Allora vuol dire che lei si sente libero? Quello libero, anzi. Lei è veneto, se non sbaglio? Sì, Vicenza. Il Veneto è una regione molto cattolica in generale, non è vero? E lei pensa che i veneti non risentano di questa loro educazione cattolica in questo campo? Non credo. E lei Bulgarelli? Cioè, quasi tutti noi siamo andati a fare il catechismo e fare queste cose tutte in chiesa, in parrocchia, quindi ognuno di noi ha nel proprio fondo ha questa repressione. Per esempio sentiamo un cannoniere, Pascutti. Pascutti, lei si sente libero come Pavinato nelle audaci imprese? Sì, senz'altro, questo è... Ma guardi, io non dico soltanto libero nel fare l'amore lei con chi le pare piace. No, dico anche in un senso intellettuale, nel giudicare gli altri. Beh, io mi sento libero in tutti e due i campi, senz'altro. Lei non ha nessuna inibizione? No, no. E lei, Negri? Ma per me va bene. Non capisco. Va bene così? Non ha niente da dire. Come non ha niente da dire? In che senso? Lei non... Non ci penso. La tenaccia, insomma. E lei, Furlanis, pensa che questa continenza che vi venga richiesta soltanto per ragioni fisiologiche o morali? Fisiologiche? Ma lei non pensa piuttosto che la repressione abbia come scopo quella di darvi una maggiore aggressività nel campo? Senz'altro. Merci, docteur. Vous étiez un porte-voix. Vous étiez un porte-voix, mais un beau porte-voix. Quelle voix ? Dandé, c'est à vous. Alors, bon, j'ai le grand plaisir de parler un italien parfait. Donc, je vais m'en cantonner au premier texte, hein, qui est malgré tout un texte qui appelle la poésie, un texte qui appelle un jeu de l'instinct. Et un peu comme les Pasolini, enfin assez radical, assez engagé, l'art de l'esquive et puis du dribble en quelque sorte, donc une sorte de délié virevoltant, autant par la thématique que ça me paraît quand même assez difficile de nous placer Pier Paolo Pasolini à un poste particulier. En tout cas, un mec qui râle quand il se fait balancer. Donc je pense qu'ailier, c'est un bon poste. Alors je mettrai milieu gauche, parce que les gauchers, voilà. C'est pas mal. C'est quand même pas désagréable de placer Pasolini sur un terrain. J'imagine que ça peut pas arriver tous les week-ends. Docteur, peut-être, vous l'auriez placé où, en fait? Pier Paolo, pour moi, c'est tout de même... Alors, c'est vrai que j'avais déjà attribué le poste de numéro 10, mais sa vie revoltante, son instabilité, quelque part, j'ai forcément envie de le diriger vers l'attaque. Encore qu'un gardien de but, c'est aussi ça. Un gardien de but, c'est un jour sans, un jour avec. Jamais deux jours de suite. Ah non, ça c'était le numéro 10, excusez-moi Magic. Excusez-moi. Non, devant ou derrière, Pasolini. Moi, Pasolini, je l'aurais bien vu comme gardien. Parce qu'il est quand même, entre donc, l'érudition et le sensible, il a un grand sens de la tragédie et de l'héroïsme. Ce qui relève quand même assez beaucoup de la... En plus, l'avantage, c'est que le gardien peut aussi jouer à la main. Par rapport à Pasolini. Bien, Manuel. Eh bien, écoutez, on va enchaîner. On va enchaîner avec la lecture suivante, si vous le voulez bien. Puisque le temps nous presse un petit peu, il s'agira d'Anthony Poirodeau, qui est auteur de textes de poésie, de récits et d'articles. Il est très actif sur le web et sur des sites comme Standards and More ou encore Remu.net, et il anime l'excellent blog Futiles et Graves. Il est en train actuellement, là, en ce moment même, de terminer un livre sur une ville fantôme espagnole pour les éditions Incultes. Et il nous a concocté un petit texte qu'on appellera Marius Trésor. Ce n'est, j'imagine, pas au vieux loup de mer de la cité phocéenne qu'on aura la présomption d'en apprendre sur... Un léger problème technique. Un léger problème technique, c'est les aléas du direct, comme vous venez de le dire, Luc. Mais je crois qu'on va... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, on ne va pas chercher d'explication, mais on va continuer de parler d'Anthony Poirodeau un petit peu, 5 minutes ou... Non, c'est bon, on peut lancer. Alors, on lance l'extrait. Ce n'est, j'imagine, pas au vieux loup de mer de la cité phocéenne qu'on aura la présomption d'en apprendre sur la question. Cependant, prenons le temps d'y revenir, car toujours il le faut. De l'album de chansons de Marius Trésor, sorti en 1978, il arrive qu'on ait retenu que la chanson Sacré Marius, qui donnait son titre à l'album complet, ou pire, et bien plus souvent, qu'on n'en ait rien retenu du tout, au point d'aller imaginer que d'album de Marius Trésor, il n'y a jamais eu. Au point souvent de consentir à insulter l'épaisseur du monde, en négligeant même de se poser la question d'une possible réalité de tout album de Marius Trésor. À la manière de vigie myope, scrutant l'opacité qui recouvre les vérités contenues dans l'univers, certains connaissent le refrain de la chanson Sacré Marius. Les noceurs vieillissants, les amateurs de compilations interprétées par Gilles Pellegrini et son orchestre, et autres adeptes de cravates nouées autour du crâne lorsqu'en fin de banquet est venue l'heure de s'adonner à quelques chenilles et autres danses des canards. Ils le connaissent, car il figure dans cette forme de panthéon des chansons caribéennes francophones à destination des bals de métropole qu'est le medley tropical. Mais ces quelques-uns, bien souvent, ignorent que l'interprète original de cette chanson n'est autre que Marius Trésor, alors libéraux et capitaine de l'Olympique de Marseille et de l'équipe nationale. Et que la chanson n'est que le premier titre d'un album qui en comprend 10. Les épaisses strates d'oubli dont on a recouvert cet album l'ont fait plus ou moins choir dans le corpus des œuvres perdues, même s'il n'est pas à proprement parler l'une d'entre elles. J'ai chez moi un exemplaire du disque sur cassette, que chaque écoute endommage toujours un peu davantage, de telle sorte que je l'ai fait numériser à titre conservatoire. On trouve le vinyle, mais personne ne le sait, sur des sites de vente en ligne pour la somme de 90 centimes d'euros, le prix de la perte. Non de la disparition, mais de ce qui revient au même, l'avilissement en plus de la mise au rebut. Je ne feindrai pas de supposer que Sacré Marius est moins une œuvre perdue que la majorité des écrits de Suétone, que les limiers de Sophocle, que la statue du Cupidon dormant de Michel-Ange, ou que le film Mountain Eagle d'Alfred Hitchcock. Et comme toute œuvre perdue, il est possible de supposer qu'elle détient précisément un sens unifiant ce que nous ne comprenons que comme du disparate et du discontinu. Je ne m'empêcherai pas de porter crédit à une telle hypothèse concernant l'album de Marius Trésor. Postulons que les 25 minutes de musique enregistrée, certes très bas de gamme, qui composent l'album Sacré Marius comprennent au moins autant de sens et relèvent d'autant d'importance que tout le reste de la production connue de Marius Trésor. Et soudain, tout s'éclaire, c'est-à-dire que subitement, on ne comprend plus rien. C'est le signe indubitable qu'on s'approche d'une vérité occulte, Dès lors, toutes les certitudes s'évanouissent dans le rappel qu'il n'est d'évidence qui ne soit une cécité à laquelle nous nous sommes accoutumés au point de ne plus saisir que nous ne voyons pas. Les moments où l'incompréhension se fait la plus épaisse, là où nous ne voyons plus du tout, comment il serait possible de trouver un sens, c'est-à-dire les instants précis où nous sommes dans les conditions d'un accès enfin possible au savoir enfoui, sont les deux titres sur lesquels Marius Trésor ne chante pas, mais qui figurent tout de même sur l'album, bien que, si l'on s'en tient à l'audible, Marius Trésor n'officie sur le disque qu'en qualité de chanteur. Sur ces deux titres, Maracana et Avec la tête, avec les pieds, il semble évident que Marius Trésor était en studio parmi les musiciens, dansant au milieu d'eux pour faire monter la fièvre qui irradie le son, comme on attiserait et convoquerait les démons, propageant une ferveur comparable à celle que peut susciter un but en reprise de volée pendant les prolongations d'une demi-finale de Coupe du Monde. Demi-finale dont on se souvient tous encore ici très bien et dont on ne reparlera pas. Demi-finale douloureuse. Dites la douloureuse. Brett, on va enchaîner tout de suite avec notre 11e et dernier participant. Pour aller vite, et vous allez nous le présenter, il s'agit de Peter Handke. C'est ça, Dondé, vous attribuerez les postes après. Donc Handke, un peu la même manière que Pasolini, on ne le présente pas trop, enfin on le connaît en tout cas de nom. Je vais le présenter quand même rapidement, et l'extrait qu'on va écouter ce soir. Donc il est romancier et auteur dramatique. Il est né en 1942 à Griffen en Autriche, d'une mère d'origine slovène et d'un père allemand, ça c'est une sacrée précision. Il a reçu en 1973 le prix Buchner ainsi que de très nombreux autres prix littéraires allemands et autrichiens. Il est l'auteur de près de 37 livres, 13 pièces de théâtre. Il est aussi traducteur de l'anglais, du français et du grec. Il a collaboré à 10 films. En 1970, il écrit L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty, qui va être adapté au cinéma par Wenders en 1972, comme il adaptera plus tard Les ailes du désir. Donc, l'extrait qu'on vous propose d'écouter ce soir est à la fois une lecture du texte de Handke et le passage du film de Wenders y correspondant. Vous allez voir, c'est assez expérimental. Il s'agit de la scène finale qui vient clore la fuite du personnage principal qui s'appelle Block lorsque le gardien de but arrête le pénalty lors d'un match, mettant symboliquement un terme à ses tourments existentiels. On écoute. Ce n'est pas facile de ne plus suivre les avants et le ballon et de regarder le gardien de but, dit Block. Il faut faire l'effort de se détacher du ballon, c'est quelque chose de tout à fait anormal. On ne voyait plus alors le ballon, mais le gardien de but qui, les mains sur les chevilles, courait en avant, courait en arrière, se penchait vers la gauche et vers la droite et apostrophait les arrières. D'habitude, on ne découvre le gardien de but que lorsque l'avant a déjà tiré au but. Cela fait un effet comique de voir le gardien de but courir dans tous les sens, sans ballon, mais attendant le ballon. Il ne pouvait pas regarder longtemps, répondit le représentant. Sans le vouloir, il regardait bien vite vers les avants. Quand on regardait vers le gardien de but, on avait l'impression de loucher malgré soi. On s'y habitue, dit Block, mais c'est ridicule. Un penalty fut accordé. Tous les spectateurs se précipitèrent derrière les buts. Le gardien de but cherche dans quel coin l'autre va shooter, dit Block. Si le gardien de but connaît l'avant-centre, il sait quel coin il choisit en général. Mais l'avant-centre, lui, peut très bien prévoir le raisonnement du gardien de but. Le gardien de but continue donc à chercher et se dit que cette fois, le ballon ne va pas venir dans le même coin. Oui. Mais si l'avant-centre suit toujours le raisonnement du gardien de but et se prépare à shooter dans le coin habituel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Block vit tous les joueurs qui reculaient les uns après les autres hors de la limite des 11 mètres. L'avant-centre installa le ballon, puis il recula à son tour hors de la limite des 11 mètres. Quand l'avant-centre prend le départ, involontairement, juste avant le tir, le gardien de but indique avec son corps la direction dans laquelle il va se jeter, et l'avant-centre peut shooter tranquillement dans l'autre, dit Block. Soudain, l'avant-centre prit le départ. Le gardien de but, qui portait un pullover jaune vif, resta droit et immobile. L'avant-centre lui tira le ballon dans les mains. Donc voilà pour ces deux dernières lectures, pardon. Dondé, il vous reste à finaliser cette équipe du Poète Football Club. Quoi. Voilà, donc conclusion du Poète Football Club. L'ami Peter Handke, donc lui, en fait, c'est vrai qu'il connaît quand même bien la question du gardien de but, c'est assez impressionnant. J'avoue être un peu dépité d'avoir grillé mon joker gardien de but avec Emi Chourou. On vous avait prévenu, Dondé. Hein, c'est vrai, mais écoutez, c'est là. On vous a fait des grands signes. Et donc, je pense que Peter Handke, en fait, c'est un ancien attaquant reconverti en entraîneur de gardien de but, parce que de l'autre côté, il a l'air d'être un super bon conseiller en gardien de but. Donc, je le mets en soutien de Laure, n'est-ce pas, numéro 11, tout simplement. En plus, il a une stature quand même maintenant qui lui permet de remiser les ballons assez facilement. Donc, pour moi, Peter Handke, numéro 11, et donc, par la force des choses, et je suis bien désolé pour Anthony Poirodo, mais il ne me reste qu'un poste, donc je n'ai presque pas à le justifier. Il s'agit de l'ailier droit, donc, ou gauche, je ne sais pas. Mais donc, Anthony Poirodo sera mon milieu excentré. Ils pourront permettre. Bah, il sera content. Hein, il sera content. Ah, il sera super content. Mais en cas, s'il peut faire des centres, il sera content. Super. On a maintenant notre équipe. Je me demande. On se risque pas à la récapituler. Si, on va le faire. Fond. On va le faire quand même, Dundee. Donc, gardien de but, Émile Chauveau. Latéral gauche, Luc Jandeur. À droite, Esther Salmona. La charnière centrale, la paire infaillible, Boris Rochery. En milieu défensif, voire capitaine, Fernand Fernandez. Même si c'est vrai qu'on l'a plus trop entendu par la suite. Ailier gauche, Pasolini. Ailier droit, donc Anthony Poirodo. Au milieu pour organiser le jeu et distribuer les bons ballons à Houston. Et à la pointe de l'attaque, donc Peter Handke associé à Laure. Je trouve que c'est quand même une belle équipe, discutable comme toutes les équipes de foot. On peut peut-être demander à nos deux spécialistes qui sont encore à Bollard s'ils ont un petit peu un avis sur cette équipe. Oui, écoutez, c'est une équipe apparemment très, comment dirais-je, comment pourrait-on dire, poétique. Mais est-ce qu'elle serait... gagner face à une équipe telle que le PSG ou pardon. Alors là, Magic qui a l'amende. Une carbonade et une duel pour Magic. C'est bon, on va le Real ou le Barça. C'est une autre question. Merci, Shérif. Un avis sur cette équipe ? Ouais, je suis d'accord. Tant que Magic me permet de boire de la carbonade et de manger de la duvel, ça me plaît. Et bravo à Dundee, en tout cas. C'était pas simple, mais voilà. On trinque à sa santé ici, en tout cas. Ouais, bravo à tous. Bravo. Merci les gars. Bravo, les gars. Puis merci pour vos commentaires d'un match qui a été un match de foot assez correct. Assez court. Oui, et en fait assez nul, puisqu'il s'est terminé un score tout à fait nul. Bon, voilà. Très bien. Super. Donc tu pourras rappeler le classement peut-être Donc le classement n'a pas changé en tête du championnat, toujours Monaco à la faveur de sa différence de but face à Nantes. Donc tous les deux en tête du championnat. Caen ne gagne pas de place, il reste quatrième. C'est Istres qui occupe la troisième place. Et quant à Lens, eh bien Lens reste neuvième. Donc un match qui sert à rien. Voilà, d'accord. Voilà. Un coup dans l'eau, quoi, comme on dit. Parfait. C'est le moment de conclure, je crois. Donc Brett, maintenant. Bah, nous allons conclure. Nous allons donc déjà remercier tous nos invités. On remercie Fernand, merci Vincent, Luc, Laure. On remercie le docteur. On remercie l'équipe aux commentaires. Je ne cesse de vous remercier chaque jour que Dieu fait. Et peut-être que comme générique de fin, on pourrait écouter une lecture du sélectionneur quand même. Tout à fait. Qui sera, je ne sais pas si à la technique on me fait signe, est-ce qu'on aura le temps d'enchaîner la lecture par un morceau avant de passer à l'émission suivante ou... Alors oui. Du coup, Fernand, vous nous proposez un morceau qui enchaînera juste la lecture de Dundee. Vous nous le présentez en deux mots ? En deux mots, un spécimen remarquable de Fricando Rock, produit dans les Cévennes par Olivier Triboulet. Parfait. Donc on écoutera ça juste après la lecture de Dundee. On remercie tous nos auditeurs et on leur donne rendez-vous sur notre blog. Bien sûr. Dont l'adresse est, docteur ? L'adresse du blog, c'est bien sûr http://desbatons.posterousse.com. Allez, Dundee. Donc c'est un texte qui s'appelle Au tapis, Bernard. entre Ricard et Ricardo, c'est une question de volume d'eau. C'est comme le chien de ma chienne. Jasper Jones est retrouvé mort, éclaté coincé dans une portière du Phocéa, polar. Polar noir, au tapis Bernard. C'est un hommage à Pollock, Pollock, dripping. C'est comme Bruce Willis, à demi-mort. Mon unique vendredi. J'ai fait un saut dans les gonds d'une porte. Je suis paître gardien, car j'ai la gorge sèche au bar. Mauvais gold sanglant, belle ouverture pour la fracture avec beaucoup de profondeur. Au tapis Bernard. J'ai arrosé le bar de sang. Pleine morne, vous avez besoin d'un gazon propre. Je me suis jambouiné la tête ce matin. Pourquoi ne pas creuser des sillons de vos frappes sur mon cuir chevelu? Hier dimanche 11-11-2012, j'ai joué mon match aux urgences de la Conception. Explication. Lens-Caen est un derby du Nord. Avenue Foch, le bar est le derby du Mort. Au championnat de Ligue 2, ça donne Caen 4e, Lens 9e, 4 et 9, 13. 1 et 3, 4, le derby du 4e arrondissement. Qu'importe, le 12e homme est un singe, c'est pourquoi Bruce Willis. Rien dans ces explications ne me va. Hier, j'ai passé du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Bibop Lula, dit Elibop en voyant les résultats. J'ai fait un saut dans les gonds d'une porte, dripping, dripping. Pollock, ploc, ploc, ploc, au tapis Bernard. Une tache est le diamètre potentiel de l'erreur. Souvent, ça fait tâche, signifie que le périmètre potentiel de la maladresse est plus étendu qu'on ne croit. La tâche advient de toute chose. La tâche est le hasard dû à l'espérance de vie La tâche est le hasard à l'espérance de vie la plus longue. Certaines tâches futiles tiennent pour la vie. Et sinon, Laïla, qui fait très bien la tarte tatin, cherche un lit et un sommier au 06 64 64 78 89. Merci. Juste une petite précision, on n'aura pas la musique promise parce qu'on a un souci en technique. Et voilà, l'émission se termine. C'était donc les consignes du sélectionneur au joueur, on peut dire ça. Et on passe la parole à Cradiophonie. Bonne soirée.